La période des fêtes nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. La direction et le personnel d'Autobus Robin profitent de l'occasion pour souhaiter joyeuses fêtes à toute la population. Profitez du moment pour fraterniser avec les gens que vous aimez. Ce sont les vœux de Autobus Robin au numéro de téléphone 274-95-95. Vous voulez faire un bon repas pendant la période des fêtes? L'équipe du Salon de viande Besson est là pour bien vous conseiller. Nous possédons un comptoir de viande fraîche et un personnel courtois. Joyeux Noël et bonne année de la part du Salon des viandes Besson. Situé au 319 boulevard Dequin d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-6737. Et n'oubliez pas de consulter notre page Facebook. Cahouette Thériault et Associés, c'est Sénat et Greffe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appâtage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. C'était l'Assemblée générale de la traversée internationale du lac Saint-Jean et somme doute un bilan fort positif. On a réussi à amasser un surplus de 23 036 $ sur un budget de plus de 814 000 $. Ce surplus est dû au fait qu'on a haussé le bilan des commandites et c'est dû au fait aussi qu'on a baissé les dépenses. En entrevue sur les ondes d'AnRadioSport.com ce matin, la présidente Ginette Fortin était quand même très, très contente de l'année. En tout cas, on est content des résultats financiers parce que c'est sûr qu'on avait posé des actions. L'année précédente, il y avait un léger déficit, puis cette année, ben, on est revenu au positif. En fin de compte, là, on a complètement effacé notre déficit de l'an passé. Mais on avait posé des actions pour ça. Là, t'sais, on avait réduit le budget au niveau de la captation-diffusion, au niveau des spectacles, parce que on avait mis plus d'argent l'année du 60e, ouais. Bien entendu. Puis on a les compétitions de 10 km finales là, qui ont été moins coûteuses que le budget le prévoyait parce que on a eu la moitié moins de nageurs que l'année précédente. Okay. Parce que ça, c'est toujours... Nous autres, on établit un budget en fonction de 20-25 nageurs, mais on sait jamais combien on va en avoir. Est-ce qu'on en aura 15 ou 45? C'est la surprise. L'année passée, on en a eu 40. Cette année, on en a eu 20. Et le but pour 2015, explique Ginette Fortin, ben, ce sera de mousser la nage en eau libre et peut-être un partenariat possible avec la compétition du lac Adjim de Saint-Thomas-d'Idine. Bien, probablement. En tout cas, tu sais, on n'aura pas parlé encore, mais c'est sûr que c'est dans nos intentions, dans les intentions de notre nouveau directeur général là, de les approcher pour voir, là, parce que on a perdu un joueur au niveau de la Coupe Espoir Canada, non? Avec le retrait de Magog, fait qu'on espère pouvoir ramener un troisième événement là à l'intérieur de cette coupe-là. On verra. Est-ce que eux autres sont prêts logistiquement à faire partie de ce circuit-là? On le verra, là. T'sais, nous autres, on a beau penser, mais c'est eux qui vont prendre la décision en fonction de où ils sont rendus, là. Fait qu'on peut rien parler pour l'instant. Okay. Maintenant, les Saguenay de Chicoutimi ont remporté une belle victoire hier. Les Saguenay qui ont remporté une victoire de 4-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau. Il y a Nicolas Roy qui a dirigé l'attaque des Sags avec 2 buts. Antoine Marcoux a également marqué. Maintenant, à noter que Samuel Girard a été invité à participer au match des Espoirs qui va se dérouler à la fin du mois de janvier à Vancouver. Girard a une fiche de 6 buts et 39 passes pour 45 points. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Je me suis entretenu hier avec Jacques Doucet, le collaborateur baseball, pour parler de Tim Raines, qui n'a pas été intronisé au Temple de la Renommée. Également, vous écoutez l'entrevue que j'ai réalisée avec Daniel Tremblay des Castors de Dolbeau. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.